Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du Web 2.0. Nous sommes le vendredi 1er janvier 2010 et c'est l'édition spéciale numéro 1. Bonjour à tous, bonjour William et bienvenue dans cette première édition spéciale des Projets du Web, une édition spéciale puisqu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler des projets du moment comme à chaque fois, mais nous allons plutôt nous arrêter sur un sujet bien précis, qui est quel est l'avenir de la télévision et du cinéma. Mais bien sûr, ne vous en faites pas, nous sommes bien entendu dans les projets du web, et aujourd'hui nous avons décidé de nous consacrer à un projet en particulier, ce qui va avec notre thème. C'est un projet plutôt ambitieux, puisqu'il compte révolutionner le monde de la télévision. Je parle évidemment de NoWatch.tv. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous en faites pas, pas de panique. Nous avons l'extrême honneur d'accueillir aujourd'hui l'un des fondateurs et gérants de ce concept, qui est Jérôme Kenborg. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. On va commencer tout de suite. Si tu peux nous présenter rapidement déjà le principe de NoWatch.tv et les podcasts qui composent ce projet, enfin voilà, explique-nous un peu tout ça. Alors c'est un projet en devenir, hein. On est vraiment à la première époque, il y a beaucoup d'expérimental là-dedans, c'est effectivement très ambitieux, mais en même temps on veut pas péter plus haut que notre cul. NoWatch TV, c'est le regroupement de 3 podcasts vidéo que certains connaissent peut-être. Le premier en date était Scuds.tv. Enfin non, le premier en date était Geek Inc, qui est arrivé en 2008 sur iTunes et les RSS. Ensuite, il y a eu Scuds.tv. Et le petit dernier, c'est Zapcast.tv. Donc, en fait, l'idée de base, c'était surtout... comme faire du podcast vidéo, ça peut coûter cher et ça demande beaucoup de temps. C'était de mettre un peu des ressources en commun. Donc ça a été l'idée fondatrice, on va dire. Mais petit à petit, c'est en train de se transformer en une idée peut-être plus ambitieuse, effectivement. C'est d'essayer de faire un front commun du podcast indépendant francophone, en tout cas francophone dans un premier temps, parce que on se limite pas, le podcast n'a pas de frontières. Pour l'instant, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est en devenir. On est en train de tisser des contacts avec d'autres podcasts, d'autres productions, voir comment on pourrait faire pour en financer des nouvelles. Vous assistez vraiment au premier temps du projet. Donc, les contours ne sont pas encore hyper bien définis. D'accord. Et il y a peut-être des petites choses que vous pouvez nous annoncer en avant-première sur des possibles podcasts qui pourraient vous rejoindre ou il n'y a pas de... Bah alors c'est pas un scoop puisque on en a parlé dans le dernier Zapcast et je crois aussi dans Scud. On va pas tarder à lancer un concept au sein de NoWatch TV qui est The Lab. The Lab, ça va être notre petit laboratoire à nous. Dans lequel en fait les podcasts, vous le savez hein, puisque vous en faites un, il y a toujours un petit peu une phase où un podcast trouve ses marques, doit grandir, a besoin parfois de conseils pour trouver sa bonne formule. Les projets du web et l'idée de The Lab, c'est un petit peu ça, une espèce de, à la fois de pépinière pour des projets de podcasts pour qu'ils puissent grandir et devenir des grands podcasts à part entière, et aussi un endroit où on mettra des podcasts confirmés. Mais avec des sujets peut-être un peu plus expérimentaux, qui ne sont pas là pour faire des très très grandes audiences, mais vraiment pour réunir un petit nombre de gens très passionnés par le sujet. Alors, moi j'ai une petite question, est-ce que vous considérez vraiment comme une web TV? Parce que il n'y a pas véritablement de streaming continu comme une web TV ou quoi que ce soit, c'est un regroupement de podcasts plus qu'une web TV. Oui, alors les nuances sont un petit peu subtiles. Je dirais que ce qui nous importe beaucoup dans la différenciation de la web TV et du podcast, c'est le principe d'abonné. En fait, pour nous, c'est la différence fondamentale entre une web TV qui va faire effectivement du flux continu et utiliser des outils de streaming sur le web. Nous, on cherche plutôt effectivement à ce que les gens soient abonnés à nos émissions, reçoivent le meilleur format possible vidéo. On n'aime pas beaucoup le streaming Pour certaines raisons, c'est que la qualité est quand même pas top top pour l'instant du streaming. Quand on sera tous à la fibre, je dis pas, mais c'est pas le cas. Donc voilà, pour nous, la différenciation entre une web TV et un podcast, c'est ce phénomène d'abonnement. Bon, maintenant, c'est des différences théoriques. Si ce n'est que nous, la différence peut-être d'une web TV. C'est d'abord les podcasts, après notre regroupement No Watch TV a son importance, mais c'est d'abord les émissions qui sont importantes. Une web TV va avoir tendance à lancer sa web TV et puis à mettre des émissions dedans. Nous, c'est un peu la démarche inverse. On commence par les émissions et puis si ça fait une chaîne au bout d'un moment, pourquoi pas? Ok, donc bah, pour te présenter, enfin finir de te présenter, est-ce que tu peux aussi nous dire, parce que donc tu fais partie de deux podcasts vidéo au sein de NoWatch.tv qui sont Zapcast et Scuds, si je me trompe pas. Scuds.tv, ouais. Voilà. Je présente également un podcast audio avec Voilà. Patrick Béja qui s'appelle Upload sur les applications iPhone et Android. D'accord. Tu as d'autres podcasts dans lesquels tu t'investis ou Non, là, j'ai plus de ça fait temps, là. déjà un beau. Là, le planning est plein à 100%, là. D'accord. Trois podcasts, c'est déjà beaucoup. J'ai adoré le jeu de mots sur le podcast Upload d'ailleurs. Oula. Merci. Bon bah alors on va commencer tout de suite avec notre débat de cette fois-ci, puisque en fait ça colle assez bien avec tout ce qu'on dit depuis le début sur les web TV. En fait, on a décidé de parler de l'avenir de la télévision et du cinéma. Et donc pour débuter, on va se tourner là vers le cinéma en l'occurrence, avec le film Avatar qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un pionnier d'une nouvelle façon de produire et consommer un film? Bah, William, comme t'as pas beaucoup parlé, est-ce que toi tu pourrais en parler, tu veux en parler là? Oui, je veux bien. Alors par contre, je voudrais juste savoir quelque chose. Donc, normalement, vous l'avez vu tous les deux, et j'aimerais savoir en fait en quelle technologie vous l'avez vu. Moi, c'est en 3D. En Real 3D? Parce que Real tu sais, il y a 3D. Xpand, il Oui, y non, a moi c'est iMac, tout Real ça. 3D. Ça, c'est Real 3D, ouais, moi aussi. Et Jérôme, tu l'avais vu en quoi? Ouais, moi je l'ai vu. Alors, c'était en projection des lunettes. C'était le système Dolby. Les lunettes. Donc, c'est le système passif en fait. Après, je D'accord, sais je pense pas que c'est le Real exactement comment 3D ça alors. s'appelle. Ouais. Avec des lunettes toutes simples, un petit peu comme ils avaient sur Oui, Viking. toutes simples. D'accord. Quand tu les regardes bien, elles sont effectivement vertes et rouges, mais je crois qu'il y a pas mal d'autres filtres. Et ça donne un petit côté miroir devant. C'est Dolby, D'accord. en fait. C'est le système Dolby. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de différences. J'avais vu sur Twitter des gens qui préféraient vraiment les autres lunettes. Bon, c'est pas trop grave. Donc, du coup, au niveau d'Avatar, moi, ce que je pensais réellement, c'est que la 3D, ça va pas changer grand-chose. Je pense que c'est pas trop la révolution qu'on attendait. C'est agréable à regarder en 3D, hein. Ceci dit, moi je suis vraiment très très fan quand on passe par exemple derrière des arbres, on les voit bouger, on passe à travers, c'est vraiment génial. Mais je trouve que c'est surtout la façon dont il a fait, tout simplement. Il a utilisé des nouveaux dispositifs avec des nouvelles caméras. Il a mis en place vraiment toute une autre façon de filmer, tout simplement. Regardez le scénario qui est, bon, très léger. Avec pas mal de clichés, mais sinon, moi j'ai vraiment été assez convaincu par ce film. Alors, ça sera pas dans mon top, disons, mais c'est un film que vraiment on n'hésite pas à recommander, quoi. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Alors, Mathieu, par exemple. est-ce que tu considères que, comme beaucoup de gens le disent, bon là c'est plus au niveau de la télévision, mais du cinéma aussi, c'est au même titre que bah, le passage du muet avec du son et puis de noir et blanc à la couleur, véritablement une évolution comme celle-là. Tu considères que c'est un passage, enfin ça va devenir à terme tous les films devraient devenir en 3D ou toi c'est juste un petit gadget en plus et Je trouve que pour l'instant, c'est un peu gazette. Je pense que si on le voit en 2D, ça doit pas trop gêner, je pense. non, ça gêne pas, mais est-ce que Non, mais tu... enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas du tout. Je pense pas que ça apporte vraiment quelque chose de plus au. D'accord, Quelque donc chose de plus, quoi. c'est plus un gadget pour toi. Ouais. Jérôme, t'en penses quoi? Bah, Ceci dit, hein, c'est vraiment superbe, hein, mais. Alors... Oula. Vas-y, Jérôme. Bah alors moi juste sur cette question précise de la révolution du cinéma, tu parlais du cinéma muet, de l'arrivée de la couleur, le panoramique, etc. Moi je pense pas qu'Avatar signe une révolution en termes de visionnage avec on dit 3D mais nous À SCUTS TV, on est précis, on dit le relief, parce que la 3D, c'est le Computer Generated Image. Le relief, c'est le système des lunettes. Je pense pas que ce film spécifiquement, comme tu disais, soit révolutionnaire en termes de relief et de visionnage. Par contre, je pense qu'Avatar signe un grand tournant dans la production cinématographique au même titre que l'arrivée du son ou de la couleur, Au mais niveau des plus sur la technologies, technologie de d'accord. tournage qu'il a utilisée, le performance capture, qui pour la première fois, hormis Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, a donné des personnages en 3D avec lesquels moi personnellement je suis rentré en empathie. J'y ai cru. Ils sont Et vraiment ça, c'est réels, ouais. vraiment la première fois. Alors, même si les émotions sont un peu primitives, je suis d'accord que le scénario, c'est C'était pas aussi recherché. c'est pas très très recherché. Bon, en même temps, il faut pas en attendre tellement plus d'un film qui a coûté aussi cher. Pour le rentabiliser, il faut vraiment faire un scénar qui plaise à tout le monde. Bah, c'est très américain, quoi, dans Mais le. voilà, pour moi, la révolution vient plus du performance capture, qui redonne une place d'importance au réalisateur par rapport aux techniciens. Sur ces films générés par ordinateur. D'accord. Et donc, bah, tu parlais de la différence entre la 3D et le relief. Et moi, j'ai appris récemment que pour la télévision, entre autres, il y avait des systèmes qui sont en train d'être réalisés qui permettent, par exemple, de regarder la télévision en 3D ou relief, je ne sais pas comment tu appelles ça, sans lunettes. L'autostéréoscopie ou l'alioscopie. Donc, c'est en train d'être développé. Est-ce que ça, Alors, pour le j'en ai coup, entendu, ça, c'est... aussi. ça pourrait remplacer pour. Bah, c'est pas nouveau nouveau, hein. Moi, sans passer pour un vieux con, j'avais vu des prototypes à Imagina dans les années 90 D'accord. de premiers systèmes 3D sans lunettes. Bon, je crois que le souci technique majeur qu'ils ont actuellement, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment être vraiment vraiment en face de son écran. Oui, voilà. Donc, on peut pas regarder ça en famille. Bon, je pense qu'on est encore un petit peu loin du R2-D2 qui va nous projeter l'hologramme de la princesse Ah, Léa quand ça, on j'ai aura un hâte. mail. Ouais. Ça viendra peut-être. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air pour restituer une image vraiment en trois dimensions relief. Après, je pense que très rapidement, dans les 5-6 années à venir, il y aura probablement des télés avec des impressions de relief regardables à plusieurs. Maintenant, quand même, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, je pense que les lunettes sont indispensables pour avoir une véritable sensation de relief. Mais moi, je pense que. Après, je suis pas plus technicien que ça, hein. Mais en fait, le vrai changement, ça sera à partir du moment où on pourra véritablement regarder un film en 3D, sans lunettes, sans contrainte de. On est à combien devant l'écran et est-ce qu'il y en a qui sont pas totalement en face? Et aussi, pour moi, c'est le support. Parce que j'espère que. Bah d'ailleurs, je me demande ça pour le film Avatar. Ils en ont parlé dans. Comment ça s'appelle ce podcast? Ouh là là, pas bien. Le Ah, rendez-vous tech, Mobile le et rendez-vous Juste. tech. Oui, Rendez-vous sur tech. Le le rendez-vous sur le Mobile et Juste, support, d'accord. pour le DVD quand ils vont sortir Avatar, et je me demande si Ah oui. le Blu-ray va, en fait, s'ils arrivent à sortir des films 3D, pour moi, le problème c'est s'ils sont obligés de changer de support, parce que on change de support alors tous les dizaines d'années et pour moi le problème ça serait encore un changement de support en fait. C'est ça qui m'embêterait. S'ils veulent véritablement faire de la 3D et que ça fonctionne, il faudrait que le prix soit pas spécialement plus élevé et que le Blu-ray puisse être le support qui nous fournit cette 3D. Oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous oubliez dans les télévisions en 3D, c'est que les gens de cinéma qui sont d'ailleurs, quand on voit la taille des groupes, souvent les mêmes qui produisent des films, n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait des téléviseurs 3D trop vite dans les salons. Le relief au cinéma, c'est pour nous faire retourner au cinéma. Donc, à mon avis, ils vont pour les early adopters, les gens prêts à claquer 10 000 euros pour une télé, sortir des modèles 3D peut-être assez rapidement de téléviseurs. Mais pour le commun des mortels et le grand public, moi, je vois pas le relief débarquer dans les salons avant 5-6 ans. Donc pour toi, c'est entre autres une solution pour parer au téléchargement et aux autres choses comme ça, pour faire revenir les gens au cinéma et pour. Oui, bon. D'une part, effectivement, pour éviter les screenies, Mais je pense que c'est surtout, et on le voit bien avec Avatar. Avatar est un film qu'il faut voir au cinéma. Ouais. Sur Oui. une télé, même avec un très grand écran, un beau projo et un Blu-ray, l'expérience est diminuée. C'est évident. Une projection numérique avec les couleurs qu'il y a dans ce film, etc., donne vraiment envie de retourner au cinéma pour voir cette qualité visuelle. C'est vrai qu'on l'avait perdu un petit peu au cinéma. Ah oui, On a tous fait totalement. l'expérience de la mauvaise projo où le film est flou et le son crachote. Ben là, il y a un vrai saut technologique avec les projecteurs numériques au cinéma et ça donne envie de retourner au cinéma. Ouais, on arrivait à se demander, mais pourquoi aller au cinéma à partir du moment où on a des écrans plats, hyper grands, monstrueux, les Blu-ray chez nous? On arrivait à se demander, mais quelle est la différence entre le cinéma et puis son salon, quoi. Et... Ouais, et puis honnêtement, dans le salon, t'as pas les inconvénients du cinéma, du Ouais. portable ou les pieds de bonbon ou les sièges trop petits ou le gamin qui braille, quoi. Non, mais Donc c'est vrai c'est qu'en termes de évident. confort, le home cinéma marquait des points par rapport à l'expérience cinéma. Donc il fallait renouveler le cinéma pour Voilà. reprendre le pas. Ok. Bon bah donc ça. Alors, je te Oui. coupe un petit peu. C'est vrai qu'il y a une petite notion aussi que j'avais pas fait attention, moi. C'est que du coup, ils ont dû aussi changer le matériel au cinéma. Et il faut qu'ils le rentabilisent quand même. Parce que moi, je vois là, les lunettes, je peux les garder. Ça nous a coûté 50 centimes, je crois. Mais derrière, on doit quand même payer 2 euros pour bah, justement les frais de projection. Parce qu'ils ont dû tout changer. C'était au CGR, moi, personnellement. Et donc, du coup, c'est vrai que s'ils mettent les télés qui sortent directement, bah, si plus personne, enfin, plus personne, vu le prix que ça va sortir au début, ça va mettre du temps. Mais si tout le monde déserte les cinémas, ça va être un peu dur Ah, mais pour eux c'est de évident. rentabiliser tous ces frais, quoi. Oui, ils ont besoin de. Donc, ils se sont renouvelés, ils ont besoin de rentabiliser leurs frais, là, pour le moment. Non, mais je pense que c'est effectivement la seule chose qu'ils avaient à faire pour parer bah, le téléchargement illégal, enfin, les screeners et tout ça, et aussi pour faire revenir les gens au cinéma d'une manière générale pour n'importe quel film, quoi. Ils avaient besoin de ça. Et le problème, c'est en dehors des films comme Avatar, les films de science-fiction, quel genre de film pourra ressembler? Je me vois pas voir une comédie en 3D, par exemple. Voilà. Ça, c'est non, quoi. Enfin... Non, mais ça sera pour un certain type de cinéma. Les Évidemment, popcorn oui. movie roller coaster, pour parler en anglais. Ce type de film de science-fiction, d'action, il y a quand même, c'est une catégorie de cinéma Mais alors... qui joue sur des ficelles d'émotion un peu primitive et brutale par rapport à une comédie ou un film romantique. Bah c'est on l'a vu avec l'arrivée aussi des salles IMAX. C'est typiquement ce genre de films qui vont être projetés. Tout ne sera pas projeté en numérique ou en relief. Ça n'a aucun intérêt effectivement pour certains films. Mais pour le grand spectacle, alors c'est vrai qu'en France, on a tendance parfois à oublier que le cinéma, c'est aussi du spectacle. Il y aura peut-être peu de films en relief français, mais les Américains n'ont pas oublié que le cinéma, c'est du spectacle aussi. D'accord, mais pour faire revenir les gens dans les salles de cinéma pour des types de films, effectivement, sans cette action, sans tout ce grand spectacle, sans ces budgets-là, quelle serait la solution pour faire revenir les gens au cinéma et éviter qu'ils cliquent sur n'importe quel torrent et qu'ils aient leur film chez eux le soir? Alors personnellement, moi, si j'avais la solution, je crois que je serais pas en train de vous parler, mais en Oui, train on de est signer d'accord. des gros chèques avec la Fox et etc. Alors si on est sur le débat du piratage des films, c'est un problème extrêmement complexe. Le piratage, on le voit bien avec les lois, etc. Il y a un phénomène incontournable, c'est ce partage de la culture gratuite, la culture du tout gratuit sur Internet. Il sera très difficile de revenir en. Moi, je pense qu'il faut que les studios, comme pour la musique qui est en train de le faire, et les livres également, repensent complètement leur business model. On ne pourra pas arrêter la marche de l'histoire. Toute une génération s'est habituée à regarder ces séries et ces films gratuitement sur le web. Il faut trouver d'autres sources de financement. Elles sont peut-être pas évidentes à trouver, mais elles existent quand même. Il y a quand même une grande différence entre la musique et les films pour ça. Pour moi, la musique, elle devrait être effectivement gratuite, comme on le dit toujours, et plutôt les concerts et tout ce qui est production live qui garde un aspect payant. Mais le problème du film, c'est que c'est déjà des budgets tellement plus importants que il y a aucun, et puis il y a en dehors de la projection au cinéma et des la vente de DVD qui est remplacée par le téléchargement. Oui, il y a les produits dérivés quand même. Hein. Oui, enfin les produits dérivés en dehors des films comme Avatar et tout ça, il y a plein de films qui sortent aucun produit dérivé. Ouais, mais bon, après, quand je parle d'autres manières de financer ça, on commence à le voir aux États-Unis, avec des expérimentations comme Hulu, etc., qui font de la diffusion gratuite, financée par de la publicité. Est-ce qu'effectivement, les films ne seront pas diffusé en streaming HD avec des plages de publicité, j'en sais rien. La solution, moi, je l'ai pas. Si je l'avais, je la vendrais tout de suite au studio. Ce que Joss Whedon a fait avec comment il s'appelle, Dr. Horrible, est à mon avis une première approche du problème. Ouais. Le film a été disponible gratuitement pendant 2 semaines et ça a généré du chiffre. J'ai plus de mal en fait avec tout ce qui est le business au niveau des films. Je trouve que il y a quelque chose qui est plus compliqué parce que c'est des revenus. Il faut des revenus en rapport avec le prix du film, quoi. Et dans la musique, effectivement, un enregistrement studio, c'est facilement remboursable. Dans le budget d'un film est beaucoup moins, c'est pas avec des petites pubs, enfin j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait fonctionner. Oui et non, mais bon, après il faut un peu oublier Avatar et ses 350 millions de dollars. Produire un film aujourd'hui coûte, je parle d'une comédie ou d'un film romantique, coûte en théorie moins cher techniquement qu'autrefois, c'est-à-dire l'arrivée des caméras numériques comme la RED, etc., diminue le montage qui est maintenant complètement numérique. Il y a une diminution aussi des frais de production. Ce qui coûte cher au cinéma, c'est le marketing aussi. Ça, il faut pas l'oublier. Comme en musique, si la musique coûte cher, c'est pas l'enregistrement qui coûte cher, c'est le marketing. C'est la pub autour. Non, mais ça, on est d'accord. Donc, je sais pas, je pense qu'il y aura de la place pour plusieurs types de productions. Je pense qu'il y a un nouveau type de cinéma qui va débarquer, peut-être à travers le web. On commence à le voir avec certains webfilms. Il y aura toujours de la place pour des grosses productions à la Avatar qu'on ira voir dans des grandes salles en 3D, en relief, avec des sièges qui bougent, etc. Après, le cinéma du milieu, je pense qu'il faudra qu'il choisisse son camp aussi. Ça sera des décisions de production. Bah c'est déjà une petite. Tu nous expliques déjà un peu l'avenir. Oui, enfin, je suis pas devin. Hein. C'est mon analyse de la situation. Non, mais je trouve ça plutôt intéressant. J'ai pas les chiffres en main non plus. Je sais qu'il est extrêmement difficile de trouver des business models autour du gratuit. Ouais. La pub, payer tout sur Internet, c'est fini. Et ça, je le sais bien parce que je suis un publicitaire. Mais bon, il faut chercher. Je pense que les studios qui font l'erreur aujourd'hui de combattre et de mettre toutes leurs ressources à combattre le piratage à corps et à cri sont mortes. Ouais. Ceux qui survivront, c'est ceux qui vont trouver les nouvelles méthodes de financement, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'était pas prévu du tout, mais est-ce que vous connaissez un site? C'est au niveau de la musique, je crois qu'il en existe les mêmes pour les films, mais qui s'appelle My Major Company. Qui permet entre autres, je sais pas si ça existe pour la production de films, mais qui entre autres permet des individus lambda financent en fait, enfin participent au financement d'un album d'un artiste qui peuvent écouter. Il y a des maquettes, ils écoutent, s'ils aiment bien ils mettent une certaine somme, la somme qu'ils veulent, et à la fin une fois une certaine quantité d'argent réunie, l'artiste va en studio, produit son album, enfin on produit son album, on le vend, et les bénéfices sont redistribués en suivant les parts des producteurs, enfin des différents individus qui ont mis. Est-ce que ça existe pour le cinéma? Ça, j'en sais absolument rien, mais est-ce que ça serait aussi une... Ah, ça existe. Ça existe en France. Alors, je le cherche. Là, j'ai vu un tweet ce matin qui en parlait. Ah, d'accord. Je vais peut-être pas le retrouver. Donc, vous le mettrez peut-être dans les liens de l'émission en faisant une recherche. Mais je sais que il y a un site français qui permet ça pour les films. Et d'ailleurs, les premières productions autoproduites, enfin produites avec des visionneurs, sont en cours ou sont même sorties. D'accord. Donc ça existe. Ah, donc je parle pas dans le vent. Et ça pourrait être aussi une solution de financement et de. Ouais, peut-être Enfin. pas pour des films à la Avatar, Non. mais pour des premiers films et des web films, certainement. Ok, donc maintenant qu'on a parlé de musique et de cinéma, on va parler de la télé. Et la grande question, c'est, puisqu'on est avec Jérôme qui est chez NoWatch, est-ce que la télévision sera détrônée par les chaînes internet comme Revision 3, NoWatch, et puis les web-séries aussi qui existent? Est-ce que toi, Jérôme, tu penses qu'à long terme, il peut y avoir une espèce de changement dans le chez les gens qui vont se mettre à plus regarder les web TV que la télévision. Alors, effectivement, nous, c'est un petit peu ce qu'on pense. No Watch TV. Je précise TV parce que No Watch tout seul, ça ne veut pas Ouais, dire grand-chose. Donc, c'est No Watch TV. voilà. Je pense qu'il y aura toujours la place hein, pour la télévision va pas mourir. Parfois, nous on le dit, Kill Your TV, c'est un peu par provoque. La télé de la Starac et des feuilletons allemands ne disparaîtra pas. En tout cas, la télé fleuve, celle qu'on allume sans savoir ce qu'on va regarder, a encore de belles années devant elle. Mais elle va devoir faire place, effectivement, à un nouveau type de visionneur. Pour l'instant. C'est un peu concentré autour de la communauté geek et des early adopters qui n'a plus envie d'être soumis à un programme de télé fleuve, qui a envie de regarder ce qu'elle veut, quand elle veut, de faire son propre programme, de mixer, de ne pas être tributaire non plus d'une chaîne Ouais, c'est exact. et de composer sa propre chaîne. On passe d'une génération de zappeurs à une génération de. Quoi, on est tout directeur de programme et on fait notre propre tambouille. Avec ce qu'on trouve sur Internet. En plus de ça, je pense que les objets sur lesquels on regarde la télévision sont en train de changer. Jusqu'ici, la télé, c'était le gros cyclope au milieu du salon et toute la famille se réunissait autour. Les écrans commencent à investir les maisons, il y en a un peu de partout, commencent à investir nos poches aussi et nos cartables avec les smartphones, bientôt les tablettes. Je pense que la vidéo, on va la consommer un peu de partout. On parle beaucoup en ce moment de vidéo snacking. C'est le fait de, voilà, en prenant le métro, tu regardes une vidéo. Alors, dommage pour la lecture, ça va peut-être en prendre un coup, mais c'est vrai que les gens aussi maintenant consomment de la vidéo un peu de partout. Mais c'est là, ouais, pardon, c'est la grande différence en fait pour Oui? moi entre la télé et les web TV, c'est que en fait la télé est abrutissante dans le sens où on est passif devant son écran, on se laisse porter par les programmes qui nous sont en fait imposés. Et donc la web TV et même généralement Internet en tant que média devient intéressante parce qu'on est actif face à son écran et on subit pas l'information, on va la chercher, on peut regarder les programmes qui nous intéressent. C'est le principe aussi de la vidéo à la demande en fait. Je pense que c'est ça, ouais. C'est vraiment à la demande, quoi. On choisit vraiment ce qui nous plaît. Moi, je vois, j'ai quasiment remplacé la télé, quasiment oui, tout le temps, par justement nombreux podcasts. Alors, plus axés sur tech, c'est vrai, mais aussi sur les séries, avec Season 1, par contre, podcast audio, qui est vraiment super. Et il y a aussi au niveau de la télé, quand on va regarder des petites séries sympas, le truc, c'est que, bon, il y a la VF, qui est bien ou pas, ça dépend des fois. Et surtout, c'est diffusé n'importe comment. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Une saison carrément. Enfin, il y a toutes ces petites choses-là qui font que on commence à moins en moins aimer la télé. Et voilà. Choisir son contenu, On est un c'est vraiment peu super esclave important, en je fait pense. face à sa télé, on dépend vachement de la programmation et tout ça, Oui, exactement. alors qu'une web TV, on est vraiment actif, on va chercher les informations qui Et nous cette intéressent. liberté qui est vraiment importante, quoi. Voilà. Ouais, y a une autre différence aussi qu'on soupçonne pas au premier abord, mais qui est vachement importante. C'est que les télés, il faut les comprendre aussi. Elles ont, je dirais, des contraintes industrielles du fait de leur diffusion et de leur coût de production, de faire des émissions qui plaisent au plus grand nombre possible. Donc, on dit souvent que la télé, c'est de la soupe. En même temps, il faut faire des émissions. Enfin, quand on voit qu'en France, je parle spécifiquement pour la France, si vous faites une émission qui fait moins de 180 000 à son lancement, vous êtes mort le lendemain, quoi. L'émission n'existe plus. Ouais. Et faire 180 000 en France, faut déjà faire une émission un peu consensuelle. La production du web permet d'avoir beaucoup moins d'audience et de faire des émissions beaucoup plus spécialisées, donc qui vont parler à des petits groupes. Et je parle des geeks parce que même si on est en force sur nos médias, on est un tout petit groupe de visionneurs par rapport à l'ensemble de la population française. Des émissions pour geeks à la télé, et hélas, on l'a vu un petit peu avec les déboires de la chaîne No Life, c'est pas évident de faire de la télé qui s'adresse aux geeks en passant par la télé. C'est plus facile de le faire sur Internet où on peut se satisfaire de scores d'audience inférieur, mais spécialisé. Enfin, Je sais le. pas si je suis très clair dans Oui, non, ce mais que je dis, mais je vois bien, si mais tu le, par veux. exemple, le podcasting n'est pas exclusif aux geeks ou au quoi que ce soit. Enfin, il y a des podcasts sur la cuisine. Détrompe-toi. En fait, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, en 2009-2010, et d'ailleurs, on voit ce que produit Revision 3 et d'autres web TV. Pour l'instant, le podcast ne s'adresse pas au grand public. Il s'adresse aux gens qui ont l'habitude de trafiquer l'image, de la télécharger, de la mettre sur leur iPhone. Vous ferez l'expérience autour de vous. Quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'est pas geek, il y a encore trop d'aspects techniques et rébarbatifs par rapport simplement à appuyer sur le bouton d'une télécommande pour que le grand public se mette vraiment au podcast. Dans le futur, certainement. Le podcast va devenir beaucoup plus puissant. Mais aujourd'hui, ça s'adresse essentiellement quand même à la communauté geek élargie. C'est vrai, mais quand on ouvre son iTunes Store, on voit quand même des podcasts sur Oui. comment faire à manger, comment cuisiner, comment s'habiller, comment, enfin, il y a tout. Donc effectivement, peut-être que 99% des podcasts sont sur l'actualité tech et autres, mais ça existe et je pense que ça va être plus rapide que Les podcasts qui traitent d'autres choses que du tech, du geek, du cinéma, etc., ont beaucoup de mal à. Même les podcasts de cuisine, c'est souvent une chose que les gens vont télécharger au début, mais en fait, ils restent pas vraiment accros. Ce qui montre bien qu'actuellement, le grand public n'est pas encore sur les podcasts. C'est vrai, c'est ouais. Après, c'est vrai que on peut confondre. Enfin, podcast, il englobe un peu des choses, je trouve, un petit peu différentes. Donc, pour toi, par exemple, Jérôme, tu es dans les podcasts indépendants, donc c'est ça que je considère vraiment le podcast. Parce qu'après, il y a les émissions de radio qui viennent se greffer dessus. Donc, au moins, ça fait connaître au grand public, c'est vrai. Parce que maintenant, j'entends très souvent ce mot-là à la radio, retrouvez-nous au podcast, etc., en podcast sur iTunes. Mais c'est vrai que c'est plus tout à fait un podcast, dans le sens où c'est juste l'émission qui est mise à disposition. C'est du Via catch-up. Internet. Voilà. C'est du catch-up, catch-up TV ou catch-up radio, qui effectivement utilise les mêmes moyens techniques que nous, où le ton est par contre le même qu'à la télé ou à la radio. D'accord. Donc moi, je voulais revenir 5 secondes sur j'ai des petites questions par rapport à vos podcasts vidéo, justement, puisqu'on parle de télé. Les budgets, puisque vous essayez avec NoWatch de mettre en commun, en fait, du coup, vos technologies, vos matériels, enfin, tout le matériel que vous avez. Le budget pour un podcast vidéo tourne autour de quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que nous, en dehors d'un micro et un PC, on a besoin de rien pour le podcast audio. Ça. Ouais, le podcast audio, effectivement, bon, ça demande un petit peu de frais d'hébergement Ouais. parfois et de micro, mais c'est vrai que par rapport au podcast vidéo, c'est pas comparable. Je dirais que le podcast vidéo, pour commencer, il existe maintenant des bonnes caméras numériques dans les 300-400 €. Le plus important, en fait, en podcast vidéo, ça surprendra peut-être certains, mais en fait, c'est le son. Et c'est le son qui peut coûter le plus cher. C'est-à-dire que l'œil s'adapte à une mauvaise image. On a tous fait l'expérience des vidéos ultra pixelisées qu'on regarde quand même. Par contre, l'oreille est un organe qui ne s'adapte pas. Quand le son est mauvais, ça devient insupportable. Et la différence? Des systèmes de prise de son pour la vidéo peuvent coûter très très cher. Parce que effectivement, vous filmez pas avec un micro devant la bouche. Du coup, Non. c'est quoi comme type de micro? Enfin, là, on rentre peut-être dans des. C'est les secrets de... Non, alors on a fait plusieurs essais. Ceux qui nous suivent depuis longtemps ont connu nos déboires du début. On a essayé des micros pas trop chers branchés en USB. Et alors pour l'instant, là je parle que pour ce qui est des Zapcast, parce que Geekink a son propre système de micro. Mais pour ce qui est des Zapcast, en attendant d'avoir mieux, on fait la prise son avec le micro interne d'un Macintosh. Qui a l'avantage d'être assez sélectif et d'éliminer les bruits parasites, mais qui donne parfois ce côté un peu casserole au son. Ouais, une grande Mais salle. honnêtement, de tout ce qu'on a essayé, c'est pour l'instant la meilleure solution qu'on ait trouvée. D'accord. Nos rêves futurs, c'est d'avoir, comme à la télé, Une perche. des micro-cravates Ouais. Ah. sans fil, mais ça coûte très cher. Ouais. Après, il y a d'autres solutions intermédiaires. Geekink est arrivé à un truc pas mal avec des perches, en fait, des micro-perches. Après, il y a toujours aussi des différences quand on est en interview. Alors, ceux qui suivent Zapcast ont vu maintenant, on a un Shure pour faire les interviews, qui sont des très bons micros sélectifs, donc qui éliminent vraiment tous les bruits ambiants, qui nous permettent de sortir un peu de mon salon, puisque les podcasts sont pour l'instant tournés dans mon salon, avec un bon micro d'interview, on peut sortir un peu, aller faire des interviews dans des bars ou à d'autres endroits. Comme avec Mais Patrick c'est pas Béja. très joli à l'image, quoi. C'est le gros micro, de la télé des années 70, quoi. Mais par contre, la qualité était vraiment bonne. J'ai pu voir dans les upcasts, par exemple avec Patrick Béja, quand vous étiez en extérieur. Au début, j'avais eu un petit peu peur. Je me suis dit, mince, ça va être horrible avec les bruits. Et finalement, non, c'était vraiment très, très bien. Des micros Vraiment, vraiment faits pour ça, vraiment hein. C'est impeccable. des micros de champ qui éliminent tous les bruits autour. Il faut bien parler dans le micro parce que dès qu'on s'éloigne de quelques centimètres, on n'entend plus rien. Mais ils sont idéaux pour aller faire des interviews dans des endroits où il y a du bruit. Ok. Mais on y pense, enfin, je le donne comme conseil à ceux qui voudraient faire du podcast vidéo. Le son est plus important que l'image. Tous les professionnels vous le diront, il est plus important d'investir dans des bons micros que dans une bonne caméra. Les caméras, ça change tous les 2 ans. Un bon micro, vous pouvez le garder pendant 15 ans, quoi. Ouais. Et pour tout ce qui est éclairage, les fonds verts, parce que parfois vous en utilisez, et tout ça, bon, c'est un peu enfin pas gadget, mais tout le monde peut pas se permettre de faire ça quand on démarre dans le podcast vidéo. C'est un budget important ou pas tout ça? Ça commence à devenir important. C'est bien pour ça que maintenant nos Watch TV cherchent des solutions de financement. On veut tout soit gratuit. Ça serait complètement ridicule de faire des émissions payantes, enfin, à notre avis. Ouais, des Donc, on produits dérivés. cherche des méthodes de financement en prenant en compte le fait qu'on est en France, en tout cas, on se limite aux pays francophones. Donc, on peut pas avoir des business models comme Revision 3, qui a des audiences anglo-saxonnes beaucoup plus grandes, où la population geek représente quand même une audience beaucoup plus importante que dans les pays francophones. Donc, on cherche. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. On n'en a pas, pour l'instant, de méthode de financement. On n'a pas, ou extrêmement peu d'argent avec quelques t-shirts qu'on a vendus, Ouais. qui rentrent. On a beaucoup d'argent qui commence à sortir. Ouais. Donc, on espère ne pas être asphyxié par le phénomène. C'est hélas ce qui arrive à beaucoup de podcasts. C'est que l'argent, ben, ça compte, hein, quand même au bout d'un moment. Donc, c'est le plus gros boulot de nos Watch TV actuellement, assurer nos futurs. Ouais. Mais vous êtes plus dans une démarche de sponsor plutôt pour l'instant en business On model? pour Non, on ne pourra pas se baser uniquement sur le sponsor. Y a, à mon avis, après, l'avenir nous dira peut-être le contraire, mais d'abord, moi, le web gratuit financé par la pub, je n'y crois plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis publicitaire. Et à une époque, les publicitaires, parce que Internet c'était tout nouveau, tout beau, ont eu tendance à arroser un peu tout le monde du petit blog jusqu'au gros truc, avec les résultats parfois moyens que ça a engendré. Les publicitaires ne sont pas des imbéciles et les annonceurs non plus. Au bout d'un moment, ils vont concentrer leurs efforts dans ce qui marche le mieux. Donc l'époque de tous les blogs financés par la pub et tout le gratuit financé par la pub, à mon avis, est une époque révolue. Donc on aura du sponsoring, c'est évident, on ne peut pas que ça pour, je dirais, dégager du bénéfice et pouvoir investir dans d'autres podcasts et monter des productions plus ambitieuses. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres méthodes. Ouais. Bon, bah, on se renseignera alors à l'avenir. On espère en tout cas que vous trouverez rapidement un moyen. Je dis en tout cas, vos t-shirts sont excessivement beaux. Votre logo est très très beau. Du coup, si les auditeurs, les personnes qui nous écoutent sont intéressées et aimeraient soutenir un petit peu avec les moyens qu'ils ont, le nowatch.tv, je vous conseille ces t-shirts qui sont très très beaux. Merci. Effectivement, on a essayé de faire et la collection va se développer à fur et à mesure. Mm-hmm. Ça va pas être notre source de financement. Hein. Donne pas les chiffres, mais ça va payer le rhum pour Scud. Non, mais si ça peut vous aider ou vous motiver en non, tout cas. Mais pour... alors en fait, nous on a vraiment conçu ces boutiques pour d'abord faire des beaux produits. Ouais, ils sont très beaux. Vont être moins par logo. On va travailler avec des illustrateurs pour faire des collections geek. On n'aime pas énormément nous. L'appel aux dons chez Nowatch TV. Donc, pour nous, faire une belle boutique, c'est effectivement un moyen de nous donner un petit coup de pouce, mais surtout de vous faire plaisir. Donc, ouais. N'hésitez pas à venir, en tout cas. Non, mais moi, je dis ça parce qu'ils sont effectivement très beaux. C'est pas que des t-shirts pour soutenir ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ouais. J'ai découvert d'ailleurs l'artiste Ciboulette grâce à vous. J'adore ses dessins et son humour. Donc, du coup, j'ai découvert comme ça Ciboulette. Donc merci beaucoup. Bah, c'est ça qu'il y a de génial dans la période qu'on vit au niveau du podcast, c'est que on est une petite famille, tant les podcasteurs que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, et il y a beaucoup de liens qui se font. Enfin voilà, moi je vous ai rencontré à travers les podcasts, Ciboulette on l'a rencontré grâce à notre monteuse de Scud TV qui s'appelle Fanny. Enfin voilà, il y a cette ambiance pionnière. Quelle durée familiale. C'est un peu ce que je te disais avant l'émission, Jérôme. C'est que moi, personnellement, ça fait les 2 mois et demi que j'ai commencé dans le podcasting. Nos stars, ça c'est un bien grand mot, mais les personnes qui nous ont influencés pour rentrer dans ce milieu-là, c'était vous. Il n'y a pas à dire. Et du coup, on s'est toujours dit, mais comment, c'est des personnes inaccessibles et tout. Et en fait, non, le milieu du podcasting est encore très. Voilà, dimension humaine, ouais. Et on peut vraiment se faire des amis, je pense, ou en tout cas des personnes très très intéressantes qu'on peut rencontrer facilement et qui sont toujours accessibles, quoi. Ben, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé Nowatch TV. On sait très bien, parce que on va dire que la moyenne d'âge des podcasteurs de Nowatch TV, elle est dans la trentaine avancée et on n'est pas si jeune que ça. Donc on a une expérience. Quand on voit l'ambiance dans le blogging français, où tout le monde se déteste plus ou moins, chacun fait son truc dans son coin. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent. On vous le cache souvent dans le blog, mais entre les billets sponsorisés et ce genre de choses, il y a de l'argent qui circule. C'est pas toujours avoué, c'est pas toujours assumé, et c'est souvent les raisins de la colère. L'argent. Nous, une des raisons pour lesquelles on a voulu se regrouper dans Nowatch TV, c'est pour que si jamais l'argent arrive, on soit aussi un petit peu du même côté, qu'on fasse pas tous notre petite tambouille dans notre coin, à nous tirer dans les pattes, pour essayer de garder cette ambiance qu'on connaît maintenant. Alors c'est peut-être illusoire, mais on va essayer. Créer une communauté dès le début, avant même que ça soit. Oui, et puis éviter. L'idée, c'est d'être. Alors, on va se foutre de ma gueule parce que je l'avais dit en ayant bu quelques verres. J'ai dit ensemble, on est moins seuls, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais l'idée, c'est un peu de faire front commun. Ouais. On ne déteste pas la télévision, mais on sait que la télévision et les groupes médias, si jamais il y a de l'argent qui arrivent dans les web TV sur le web, vont se mettre à vouloir en faire et arriver avec des gros moyens financiers. Si on est tous dispersés, chacun de notre côté, ils vont nous racheter les uns après les autres pour des bouchées de pain. Si on est regroupés entre nous, on aura peut-être l'argent nécessaire pour payer notre liberté. Voilà, c'était un peu. Je suis très bavard, hein, mais. Non, mais c'est. Intéressant, donc ça va très bien. Les notions de financement autour du podcast, c'est pas simple, je peux vous le dire. On n'est pas sûr que ça existe. Mais on va tout faire pour, parce que notre survie en dépend, hein. Je veux pas du tout être alarmiste, parce que nous, c'est aussi un plaisir. Mais vu le temps que ça prend, parce que le temps pour faire du podcast vidéo, c'est absolument énorme. Le temps que ça prend et les finances que ça Voilà, demande, Jérôme. je comprends pourquoi, et il n'y a qu'à voir iTunes, c'est un cimetière de podcasts, pourquoi autant de projets se cassent la gueule au bout du numéro 6 ou 7. C'est que les investissements en temps et en argent sont trop importants pour faire du gratuit autofinancé, quoi. C'est évident. Bon, en tout cas, on n'est pas encore arrivé à notre 6e épisode, donc on espère que nous, ça va durer. mais voilà, mais en tout cas, c'est je pense qu'on va clôturer l'émission là parce qu'on arrive à 50 minutes. Mais en tout cas, je voulais donc tout d'abord te remercier énormément, Jérôme, parce que on sait que t'as entre tes trois podcasts et ta vie en dehors, t'as pas énormément de temps et c'est très gentil en tout cas d'avoir pris le temps de t'intéresser à nous et de venir nous parler. Donc un grand merci à toi. Bah merci à vous, hein, de m'avoir reçu. Bah de rien, nous ça nous a fait un grand plaisir. Merci donc à William aussi puisque ça fait maintenant trois épisodes ou quatre, non trois, que tu es avec moi et puis je trouve ça plutôt agréable et on s'amuse bien. Oui. Et donc je voulais, comme on est au début de cette année 2010, je voulais vous souhaiter à tous une très très bonne année et j'espère que vous allez tous vous amuser beaucoup. Donc voilà, on va se retrouver après dans 2 semaines pour l'épisode numéro 5. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour finir, Jérôme et William. Ah ouais, bah je t'ai un peu pris la parole pendant toute l'émission, Non, hein. Je rassure c'est vos pas grave. auditeurs, je ne suis là que pour cette émission et vous m'entendrez pas Oh, mais après, hein, tu peux parce que je suis revenir quand tu veux, bavard. en tout cas, il n'y a pas de problème. Ben non non mais je voulais déjà comme je l'ai dit vous remercier pour cette émission et puis bah que tous ceux qui regardent No Watch TV ce que je peux vous donner quand même comme scoop c'est que il est possible je ne peux rien promettre pour l'instant mais tout est en discussion que le projet No Watch et je fais exprès de ne pas mettre de TV derrière ne se limite pas à la Ah. vidéo Ah. Non mais voilà on est en France le monde du podcast est petit on ne peut pas se permettre comme aux États-Unis où il y a Tweet d'un côté avec Léo Laporte pour les podcasts Oui, audio et Revision 3 pour la vidéo même s'ils s'entendent très bien entre eux c'est quand même deux entités séparées. Nous, il est possible, en tout cas, je ne veux rien promettre, mais il est possible que nous incorporions aussi du podcast audio, parce que c'est une communauté extrêmement active en France, le podcast ouais. audio. C'est pas que ça soit plus facile à faire, mais c'est plus facile de tenir dans la longueur Oui, c'est avec du sûr. podcast audio. Et puis, on en a tous besoin du podcast audio quand on est dans le métro ou dans sa voiture. Donc, il y a certainement des choses à faire. Donc, il est possible que plus tard, il y ait un nowatch.fm ou Waouh. je ne sais trop quoi. Donc on encourage tous les projets aussi podcast audio. Bon Voilà, bah c'était pour votre scoop. ah bah c'est on est super ravis, Non, surtout que vos ça nous scoops alors. concerne. Donc bah William, si tu veux dire un petit mot avant la fin. Bah, un grand merci. Donc oui, Jérôme nous a fait le plaisir d'être venu aujourd'hui. Et encore un deuxième merci à Jérôme, mais c'est un petit peu différent. Bah, c'est pour tout simplement No Watch. Et pas qu'à Jérôme, évidemment, à tout le monde, hein, à Ah non, Arnaud. non, on est toute une équipe, hein. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je dis vraiment à tout le monde, parce que c'est vraiment une communauté. Et moi, je suis très content de l'avoir intégré côté visionneur, quoi. Et bah merci beaucoup, parce que moi, je m'amuse beaucoup sur le forum, sur Twitter, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, bah, via NoWatt, Scud, par exemple. C'est le premier que j'ai découvert. Et donc voilà, bah merci beaucoup pour NoWatt.tv. Bah écoute, de rien. En espérant qu'on sera là longtemps. En tout cas, c'est notre ambition, c'est d'être là pour durer. Bah on peut espérer que ça pour vous. Et donc, bah on rappelle, c'est nowatch.tv. On vous conseille tous d'aller y jeter un coup d'œil. C'est une très belle communauté. Vous pouvez vous y être intégré très rapidement. Moi, ça fait peu de temps finalement que j'y suis et je trouve ça très agréable. Donc, nowatch.tv, n'oubliez pas. Et donc, je vais clôturer maintenant cette édition spéciale numéro 1. Je vous souhaite une très très bonne année 2010 et à dans 2 semaines alors. Salut à tous! Au revoir. Salut! Les Macs, c'est bien, mais au niveau de la prise de son, c'est pas toujours top.